Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Onzième épisode. Grâce aux révélations de Balthazar, Darley a pris connaissance des détails de la liaison entre Mélissa et Nessim, de laquelle une petite fille allait naître. Il s'agit précisément de l'enfant avec laquelle il vit sur cette île isolée en Grèce. Balthazar et Darley ont aussi évoqué l'arrivée de Mantolive en Égypte et les rumeurs de complot copte auxquelles ni lui, ni Perswarden n'ont accordé foi. Vous n'avez pas la syphilis, au moins, mon cher Plosswarden. Et si un petit bouton allait se mettre à suppurer sur la lame, vous avez peut-être le sang affecté. Pas de danger, je suis écrivain. Par conséquent, je sais. Il n'y a pas de sang dans mes veines, rien que du plasma. Sinon, comment aurais-je pu tant écrire? Je ne vous ai jamais vu travailler. Ah, je travaille peu. Et je gagne encore moins. Vous avez bu? En entrant, j'ai vu la bouteille de gin sur la table du corridor. C'est vrai. J'ai bu un ou deux petits verres. Vous fêtez quelque chose? Parfaitement! Ce soir, mon cher Darley, je vais faire quelque chose d'assez indigne de moi. J'ai battu en brèche un dangereux ennemi. Dans notre service, on estime que cela mérite un chant de victoire. Je vais m'offrir une petite soirée de félicitations. Et qui est le malheureux vaincu? Maskelyne, le ridicule général de brigade. Sa haine de ma petite personne lui a fait développer un délire paranoïaque. Mantolive l'a expédié avec son QG à Jérusalem. Ah, rien que ça. Vous n'imaginez pas avec quelle délectation je songe à notre militaire en route dans l'express de Jérusalem, raide, traversant les dunes de sable et les champs d'orangers, fumant sa pipe à longs tuyaux, dans un wagon surchauffé, le cuir assailli par les mouches et le cœur desséché par cet orgueil de corps d'une tradition moribonde. Et pendant ce temps, vous allez savourer votre victoire à l'étoile, en dansant un fox endiablé avec votre petit ami. Ah. Et même plusieurs fox macabres. Et puis, un peu plus tard, tel un explorateur à court de pémican, je choisirai une putain d'odu et je l'emmènerai au mont Vautour. Votre hôtel de passe préféré, je sais, je sais. Histoire d'aiguiser vos serres sur une chair douce en poussant de rauques croassements. Adieu, Darley. Perswarden descendit d'un pas léger dans la rue que le crépuscule envahissait déjà. C'était le meilleur moment de la journée à Alexandrie. Les rues prenaient lentement la teinte bleu métallique du papier carbone et dégageaient encore la chaleur blonde du soleil. La ville n'avait pas encore allumé toutes ses lumières et de gros morceaux de crépuscule mauve flottaient encore çà et là. Les cafés ensommeillés se réveillaient lentement aux accents géniards des mandolines. Une odeur pénétrante d'humus et d'urine s'échappait des bacs à fleurs sur les fenêtres. Les grandes limousines prenaient leur essor dans le quartier de la Bourse. Les souffles venus de la mer s'en allaient rafraîchir par bouffées la ville haute. Être à demi aveuglé par le crépuscule mauve, marcher d'un pas léger, s'enfoncer dans la foule, l'esprit en paix, dans cet air sec et vivifiant. C'était là les rares instants de bonheur que le hasard octroyait à Perswarden. Il déambula, longtemps, par les rues longées de cafés, passa devant une bibliothèque et une synagogue, puis il se laissa porter par la pente des rues sinueuses qui menaient vers le port et arriva au cabaret L'Étoile. Whisky, on the rocks. Bonsoir, monsieur. Mélissa. Nous sommes voisins et nous avons eu si peu l'occasion de nous parler depuis ma terrible beuverie il y a... Il y a 6 mois. C'est elle que je dois ma rencontre avec Darley. Soyez-en remerciés. Ouais. Ou bien maudit. Vous dansez? Comme vos poignets sont maigres. Vous êtes charmante, ma chère. Ce charme gamin de la vie, de la minceur, de la simplicité. Mélissa, comment vous défendez-vous contre la solitude? Monsieur, je suis devenue la solitude même. Et elle dit ça sans l'ombre d'une amertume, avec juste un sourire mélancolique. Pour cela, j'aurais pu l'épouser. Ça suffit. Venez à ma table et buvons. Regardez-les. Elle désigna les clients de l'étoile, pantins de chair aux minables désirs qui grouillaient autour d'eux dans cette cave sans air. Perchwarden comprit et éprouva du remords de ne l'avoir jamais prise au sérieux. Il était furieux de sa propre suffisance. Sans préméditation, il appuya sa joue contre la sienne, affectueusement, comme l'aurait fait un grand frère. Pardonnez-moi. Dites-moi, qu'allez-vous faire en partant d'ici? Rejoindre Darley? J'ai besoin d'argent pour... Non, rien. Pour mon manteau d'hiver. Nous avons si peu d'argent. Dans ce métier, il faut s'habiller. Vous comprenez? N'allez quand même pas partir avec cet horrible Syrien qui vous bouffe des yeux depuis tout à l'heure. Il m'a offert 100 piastres pour que j'aille chez lui. Pour l'instant, j'ai dit non, mais plus tard, je crois que je pourrais pas faire autrement. Bordel de merde, venez avec moi. Je vous en donnerai 1000 si vous en avez besoin. 1000 piastres? Mais oui, absolument. Dites-moi, Darley est au courant? Que je me prostitue? Oui, bien sûr. Vous savez, il est très gentil. Notre vie n'est pas rose, mais il me connaît. Et il a confiance en moi. Il ne me pose jamais de questions. Il sait qu'un jour, quand nous aurons assez d'argent pour partir, j'abandonnerai tout cela. Pauvre Darley. Venez. Viens, maintenant. Viens, Mélissa chérie. Il la vit tressaillir et pâlir à ce mot. Et il comprit qu'il avait commis une faute, car son affection pour moi devait être tenue à l'écart de toute transaction sexuelle. Je vais chercher mon manteau, je vous rejoins dans l'entrée. Elle l'accompagna à l'hôtel, pressé contre sa cuisse comme le fourreau d'une épée de cette démarche des professionnels du trottoir. Ils n'échangèrent que de rares paroles. Les rues étaient vides. Devant la porte de la chambre, il l'embrassa longuement, pressant le cône soyeux de ses lèvres charnues jusqu'à ce que leurs dents se heurtent. Il ne sentait aucun frisson en elle, rien qu'une profonde, une dévorante lassitude. Leur étreinte ressembla à l'accolement de figurines en plâtre sur une tombe de style classique. Dans l'obscurité, elle lui caressa les côtes, les reins, la gorge, les joues, de ses deux mains expertes, pareilles à celles d'un aveugle cherchant un panneau secret dans un mur, le bouton qui ferait jaillir la lumière. Mais apparemment sans succès. Tu simules, Mélissa. Tu penses aux 1000 piastres. Allez. Donnez-moi votre main. Laissez-la sur mon genou. Attendez, j'apporte une bougie pour mieux voir. Tu dis aussi la bonne aventure. Tout le monde ici dit la bonne aventure. Je vois. Vous êtes enfermé. Votre cœur est en prison. Votre vie est morte, cernée. Pas comme celle de Darley. Lui, il est grand ouvert. Il peut encore aimer. Regarde encore. Dis-moi encore ce que tu vois. Vous voulez que je vous dise tout ? Oui. Je ne suis pas très savante. Je vois la mort tout près. Bon. Oui, tout près. Vous apprendrez bientôt une nouvelle. C'est une question d'heure. Oh, c'est des bêtises. Le visage pâle. Les grands cheveux noirs. Oui. Ouais. Le visage d'une blancheur de marbre, d'une déesse marine. Les cheveux flottant sur les épaules. Les yeux tournés vers le parc où les branches et les feuilles mortes de l'automne brûlaient et fumaient. Une méduse parmi les neiges, emmitouflée dans son châle écossais. L'aveugle. Elle n'est pas votre femme, mais... vous et elle ? Oui, c'est ma sœur, Liza. Elle et moi, nous avons été amants. Entre frères et sœurs ? Nous ne pourrons plus jamais aimer personne. Moi, du moins. Je l'ai vue dans la main. Dans votre main, je l'ai vue. Puis le silence se fit en eux. Pushwarden regarda fixement Melissa de ses yeux clairs. Elle frissonna tout à coup, sachant qu'elle ne pourrait lui échapper, qu'elle devrait se soumettre à lui totalement. Mélissa ! Mélissa ! Ils se donnèrent de la joie, sagement et tendrement, comme deux amis qui se cherchaient depuis longtemps et se retrouvent enfin dans la foule banale et vulgaire grouillant dans le tumulte de la ville. Il avait enfin dans les bras la Mélissa qu'il souhaitait. Les yeux clos, la bouche entrouverte sur un souffle chaud, sous la lumière blonde de la bougie. Et le reste de la prophétie. Cette mort tout près. C'est des bêtises, tout ça. Parfois, je peux lire un caractère dans une main, mais l'avenir, c'est autre chose. Je ne suis pas si habile. Mélissa, il est l'heure de partir. Sinon, Darley sera furieux. Darley. Bah, il est encore sorti avec Justine la nuit dernière. Une femme pareille. Elle se sert de lui, et le pauvre Darley se laisse prendre. Il est trop bon, trop simple. Elle se sert de lui ? Et Rosnani. Je sais tout sur eux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu sais ? Il éprouva tout à coup un malaise aigu et sans nom. Il sentait qu'elle allait bouleverser son univers, comme on renverse par mégarde un encrier ou le bocal d'un poisson rouge. Qu'est-ce que tu sais ? Eh bien, je vais vous le dire. J'ai été la maîtresse d'un homme très important, un certain Cohen. Très important et très riche. Il travaille avec Nesim Rosnani et il m'a dit des choses. Il parlait aussi en dormant. Il est mort maintenant. Je crois qu'on l'a empoisonné parce qu'il en savait trop. Continue. Il faisait passer des armes en Palestine pour le compte de Nesim. D'énormes quantités. Il disait « pour faire sauter les Anglais ». Elle lâcha ces mots avec une sorte de rancune. Puis tout à coup, après un instant de réflexion, elle ajouta, en joignant le bout de ses doigts pour y déposer un grotesque baiser et en ouvrant la main. Il faisait ce geste-là en disant « tout à toi, votre majesté britannique ». Habille-toi maintenant. Et grouille-toi. Pushwarden resta un moment à contempler le mur, le regard fixe, hébété, comme s'il venait de tomber d'une autre planète, immobile, figé, telle une statue de bronze. Mais qu'est-ce que vous avez ? J'en ai pour une minute. Mélissa lui jetait des regards furtifs tout en s'habillant. Voilà, je suis prête. Il la prit par le bras et ils descendirent l'escalier en silence. L'aube commençait à poindre. Les réverbères étaient encore allumés. De temps en temps, Mélissa tournait la tête vers lui, mais le visage de Percy Warden était muet, inexpressif. Leurs ombres s'allongeaient, s'amincissaient, se déformaient, happées par un cercle de lumière jaune avant de reprendre leur forme. Percy Warden marchait d'un pas lent, harassé. Il tenait toujours le bras de Mélissa. Et dans chacune de ses ombres étirées et sautillantes, il voyait nettement la silhouette de Maskelyne, le vaincu. Au coin de la place, il s'arrêta avec cette même expression lointaine. Ah tiens, j'oubliais. Voilà les 1000 piastres que je t'ai promis. C'était l'époque du carnaval. À Alexandrie, c'était une affaire purement mondaine, liée d'aucune manière aux autres fêtes religieuses du calendrier de la ville. Il n'existait pas une seule famille riche, copte, musulmane ou juive, qui n'ait son plein placard de dominos et de velours en prévision de ces 3 jours de folie. Lentement, la lune bleuâtre de printemps se hissa au-dessus des maisons, escaladant les minarets à travers les palmiers crissants. La ville parut se déplier comme un animal hibernant tiré de sa torpeur. Le jazz qui s'échappait des caves agitait l'air paisible de l'hiver dans les parcs et les avenues et allait se mêler au ronronnement sourd et lointain d'un cargo dans les eaux profondes d'une courbe de l'estuaire. Selon la tradition, Nessim, Justine et quelques amis se rendaient au grand bal donné par les riches cervonies. Narus arriva en retard. Il les rejoignit dans le dédale des rues alentour du patriarcat grec. Narus, viens m'embrasser. Bonsoir, Justine. L'exilé des Rosnani. Le fermier. Toto. Bonsoir, Justine. Il faut que je vous parle sur la salle. Bonsoir, mon frère. Il y a des films. Je suis heureux de te voir. Leïla t'embrasse. Venez par là, je vous prie. Oui. Voyons, Justine. Malgré votre grande beauté, vous savez bien que vous ne faites pas partie de mon royaume sexuel. Sérieusement, écoutez. J'ai un grand service à vous demander ce soir, si vous voulez bien. J'ai fait une marque à la craie sur votre manche ici, derrière. Un peu plus tard dans la soirée, je vous donnerai ma bague. Je voudrais que vous la mettiez. Mais elle m'ira ravie. Je voudrais disparaître une heure ou deux. Vous aurez des aventures en mon nom, mon cher Toto, quand je serai parti. Vous voulez bien? Mais très volontiers. Vous voulez bien, alors? Ma chère, naturellement. Je compte sur vous. Ne m'abandonnez pas. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroud. Adapté par Eglal Herrera. 11e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Valérie Lang, Justine, Thibaut Vinson, Percy Warden, Mohamed Rouabi, Narouz, Garance Clavel, Mélissa, Julien Cibre, Toto de Brunel. Et les voix de Magid Bouali, Barbara Chavi, Estelle Clément-Béalem, Graziella Delerme, Rachida El-Ghazali, Anna Jaja, Benoît Marchand, Ella Marder, Julien Monin, Lassène Razougui, Régis Romélé, Joachim Salinger, Perrine Tourneux, Julie Timmerman, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.